Le titre de cette séance, le long terme des réformes, l'ESR, enseignement supérieur et la recherche, est-il solide dans le marché, laisse entendre qu'il pourrait y avoir une contradiction dans le fait que le système d'enseignement supérieur et en particulier le système public, représenté par l'université, soit incité à satisfaire en priorité les attentes des agents économiques. La contradiction éventuelle résultant de ce que cette tâche puisse s'accomplir dans l'oubli de ses propres orientations et finalités. Le désengagement financier de l'État à travers la baisse continuelle et récemment accélérée des dotations annuelles des universités pourrait favoriser cette mutation à marche forcée, disent les mauvais esprits. À la mission traditionnelle de production et de transmission des connaissances, l'Union européenne a ajouté celle de la participation de cette connaissance à la compétitivité et à la croissance des pays membres. L'université est ainsi appelée à faire cohabiter en son sein la recherche de nouveaux savoirs, une démarche par définition non finalisée, avec ce qu'on appelle la culture du résultat, que lui enjoint l'utilitarisme des sphères politico-économiques. En charge de la préservation et du développement d'un bien commun, l'université se voit de plus en plus incitée, ses efforts dans ce domaine étant sanctionnés par des évaluations qui se traduisent par une variation du montant de moyens alloués par l'État à son fonctionnement, à soutenir les efforts de recherche du secteur privé chroniquement faible en France et par conséquent à accroître, espérons, la compétitivité des entreprises. À dire vrai, il s'agit a priori d'une question de degré d'implication qui découle de l'équilibre que l'on entend conserver entre les missions de nature différente qui incombent à l'université. À cet égard, Pierre Macheret, invité de notre séminaire le 22 mars 2012, précisait que cette hétérogénéité des missions confiées à l'université dès son origine n'était sans doute pas pour rien dans l'état de crise quasi permanent qui caractériserait cette institution. Quoi qu'il en soit, le mélange de finalités théoriques, production de nouveaux savoirs et transmission des savoirs acquis, et pratiques, développement des facultés créatives et insertion professionnelle des personnes en formation, assigne à l'université des missions qui, pour être toutes légitimes, ne vont pas forcément ensemble. Pierre Macheret le cite, je crois. On retrouve aujourd'hui cette contradiction à l'œuvre dans le glissement survenu dans les années 80 du siècle précédent, dans le projet mis en œuvre par les États de l'Union européenne et par lequel nous sommes passés de l'idée d'une société de la connaissance, avec l'idée d'émancipation qu'elle contient à l'échelle des individus et des populations, connaissance versus ignorance, progrès versus stagnation ou régression, etc., à celle de l'économie, de la connaissance qui s'est finalement imposée. Dans la seconde formule, bien évidemment, la connaissance se trouve expressément subordonnée aux priorités du marché. La relation avec les entreprises est devenue un élément récurrent du discours des décideurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Aussi, à titre peut-être pas si anecdotique que cela, parmi les 5 actualités mises en exergue sur le site de la conférence des présidents d'université, 4 mettent en avant la relation des universités avec l'environnement socio-économique. Il s'agit du colloque 2014 de la CPU intitulé « Les universités et l'innovation, agir pour l'économie et la société », des rencontres université-entreprise 2014 avec lesquelles la CPU a développé un partenariat, du programme intitulé « La parole aux étudiants » et parrainé par le Cercle des économistes, dont le thème de l'année 2014 est « Investissez l'avenir », enfin, du renvoi vers la campagne du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche intitulée « Université, un choix qui me réussit » à destination des futurs étudiants et qui décrit des conditions d'études à l'université dans des termes qui la rapprochent de ses concurrentes de l'enseignement supérieur non universitaire. En ce sens, l'accent est mis sur les formations professionnalisantes. Rien de ce qui peut différencier l'université du reste des formations du supérieur n'est rappelé. C'est au contraire la similitude qui est recherchée afin, je cite, de « mettre l'image de l'université en phase avec la réalité de terrain ». Une université moderne, connectée, ouverte sur le monde et sur son environnement socio-économique, professionnalisante et bénéficiant de taux d'insertion élevés, soucieuse d'accompagner ses étudiants tout au long de leur parcours de réussite et d'insertion. Si les mots ne sont ou ne font pas tout, en revanche, leur influence n'est pas négligeable sur les grandes orientations d'une politique, à travers leur capacité à la représenter, à la faire accepter, sous les traits d'une réalité désirable à venir, ou d'un état de fait déjà là, mais censé être encore largement ignoré par ce qu'elle concerne, comme il en va de l'effet recherché par l'opposition entre image de l'université et réalité de terrain dans le passage précédemment cité. On le voit, certaines agences au sein même de l'université n'ont de cesse d'adapter le discours sur l'université aux standards des modernisateurs de la formation et de la compétitivité. Cette préoccupation n'est pas une problématique en soi. Elle le devient lorsqu'elle réduit l'université à une institution chargée, pour l'essentiel, de fournir des entreprises en produits innovants et d'assurer une insertion professionnelle des étudiants en proposant des formations dont le contenu évacue le rapport au savoir disciplinaire et à la communauté de langage et de pratique auquel il est associé, au profit de l'acquisition de compétences censées répondre aux demandes du marché de l'emploi et immédiatement exploitables. Dans cette perspective, comment ne pas voir que c'est l'université qui est la dupe, tirée à U et à DIA par des intérêts qui lui sont en partie étrangers, et qu'on la somme d'incorporer dans ce qui la fonde et la distingue de tout le reste de son environnement. Que devient l'autre partie de sa mission, la quête du savoir pour lui-même, dont les disciplines sont le creuset, dont les recherches appliquées et des applications concrètes dans telle ou telle sphère du monde social et des activités humaines sont éventuellement les débouchés. Plus largement, si l'enseignement supérieur semble de nos jours devoir mettre l'accent sur l'acquisition de compétences censées favoriser l'insertion professionnelle en formation initiale ou préserver l'employabilité des salariés en formation continue, avec pour partenaires privilégiés des entreprises, si, de son côté, la recherche n'a de sens et d'intérêt dans le discours public, du moins, qu'à travers ses retombées en termes de R&D, recherche et développement, alors le principe d'université s'en trouve sérieusement écorné. Comment l'utilitarisme a-t-il pu ainsi s'imposer, jusque dans des domaines qui semblaient, a priori, ne pas devoir lui offrir un terreau propice à un tel épanouissement? L'utilitarisme peut être cité au banc des accusés, quand il se contente d'une question unique à l'adresse de tout projet, de toute réalisation, à quoi ça sert, dont la réponse qui lui est apportée suffit à clore définitivement tout débat. Mais il ne faut pas non plus oublier que cette vision sociétale s'inscrit tout autant dans un environnement politique et idéologique d'accueil qui n'a de cesse de faire disparaître précisément la dimension politique et idéologique de ces choix derrière les contraintes objectives qui pèsent sur nos sociétés complexes. Or, seul le discours et les pratiques de l'expertise, censées être prises avec le réel, seraient à même d'approprier ces contraintes aux attentes du temps présent. Un temps qui, sans projet ni délibération sur la voie à suivre par une collectivité, semble devoir s'étirer dans un présent infini ou indéfini. Ces dernières considérations me permettent de présenter, si peut-être que cela soit nécessaire, nos deux invités. Nous avons sollicité Alain Caillé, sociologue, pour nous éclairer sur l'hypothèse qu'il développe afin de rendre compte des aspects structurels qui donnent au monde dans lequel nous menons nos existences sociales sa couleur particulière, qu'il désigne par le terme de parcellitarisme, que je lui laisserai le soin de définir plus avant. Et puis nous nous sommes tournés tout naturellement vers Pigno Prado, auteur entre autres du remarqué Principe d'université, paru dans l'atmosphère du mouvement universitaire de 2009. Qu'en est-il de ce monde et des possibilités de le transformer? Et pour faire bref, la question immense que nous adresserons à Alain Caillé. Et qu'en est-il de l'université et de sa raison d'être dans ce même monde? Et celle que nous formulerons ensuite à Pigno Prado, pas plus facile que la précédente. Je conclurai, avant de passer la parole à l'un et à l'autre, je conclurai ma présentation en précisant quel est le lien que j'entrevois entre les deux exposés d'aujourd'hui. Il est possible que la relation classique de transmission de savoir entre l'enseignant et l'étudiant soit appelée à céder partout la place à un partenariat entre un client et un fournisseur de services, partenariat dont le contenu est lui-même surdéterminé par les attentes du marché, dit de la connaissance et assurément de l'emploi. Dans ce cadre, l'individu est selon le cas considéré comme un bien à gérer par les employeurs ou gère lui-même la ressource potentielle qu'il est en se voyant comme l'investisseur de son propre capital humain. Le rapport à soi et aux autres se réalise ainsi dans le registre de l'extériorité et de l'impersonnalité, non pas dans celui de l'action, au sens que lui donnait Hannah Arendt, qui est le registre de la relation d'interdépendance des êtres humains, la relation politique par excellence. Qu'advient-il alors de la démocratie, entendue comme régime politique, mais bien plus que cela, comme forme d'être à la fois dans la singularité de son identité pour ses membres et dans la reconnaissance d'un espace public animé par les actions accomplies sous le regard d'autrui, un espace dans lequel une intériorité se rend visible sous les auspices de la pluralité. Si les choses gouvernent les nécessités économiques désarmant toute idée de politique, qu'avons-nous encore besoin de sujets délibérants? Et par extension, quelle chance la démocratie, qui réclame des êtres libres de leurs actions et de leurs paroles, se confrontant en qualité d'égaux sur une scène publique où ils débattent en particulier de ce qui relève du bien commun, a-t-elle de survivre, voire de renaître, dans l'université comme dans la société qui s'annonce? Comment cela peut-il être le cas si l'enseignement n'est plus accompli en vue de former des citoyens et des êtres pensants et agissants de façon critique, c'est-à-dire politique? J'en ai fini et je passe la parole à Alain Caillé. Merci.